doit en réclamer ce que l'on mérite. Et toi, agacement de profite, pour qui on nous sacrifie dans la souffrance et la douleur. Agacement de profite, à qui doit en réclamer ce que l'on mérite. Et toi, agacement de profite, pour qui on nous sacrifie dans la souffrance et la douleur. Qui sont ceux qui nous observent pendant que les populations désespèrent? On aimerait savoir pour y voir plus clair, parce qu'à leurs yeux nos vies valent si peu cher. Qui se réjouit devant nos souffrances, dans l'intérêt que toutes leurs affaires prospèrent. Indifférent face à l'urgence, aucun remords pour tous les gens qu'on enterre. J'entends les armes, même au-delà des frontières. Je vois le sang qui souille nos rivières. J'entends les pleurs, les cris de colère. Je vois le monde sous le poids de la misère. Il paraît que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que fait hier pour ne plus que les mêmes subissent? À qui ce monde profite? À qui doit-on réclamer ce que l'on mérite? Dites-moi, à qui ce monde profite? Pour qui on nous sacrifie dans la souffrance et la douleur? À qui ce monde profite? À qui doit-on réclamer ce que l'on mérite? Dites-moi, à qui ce monde profite? Pour qui on nous sacrifie dans la souffrance et la douleur? Des familles entières terrorisées sous la dictature triste. Réalité sombre et obscure, traînant des blessures. Les élites sèment la confusion. À qui profite la situation? Pour les politiques, nous sommes que des pions. Sujet à leur manipulation. En Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, il y a trop d'imposteurs au gouvernement. Toujours les mêmes qui gagnent, les mêmes qui perdent. Ainsi va le système et cela dure depuis trop longtemps. Il paraît que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que fait hier pour ne plus que les mêmes subissent? À qui ce monde profite? À qui doit-on réclamer ce que l'on mérite? Dites-moi, à qui ce monde profite? Pour qui on nous sacrifie dans la souffrance et la douleur? À qui ce monde profite? À qui doit-on réclamer ce que l'on mérite? Dites-moi, à qui ce monde profite? Pour qui on nous sacrifie dans la souffrance et la douleur? Qui profite de la corruption? Qui s'enrichit en vendant armes et munitions? Qui est-ce qui finance les rébellions? Et qui s'occupe des transactions? Il crée des richesses illégalement, exploite des enfants impunément, trafique en tout genre et détournement, sans aucune sanction et sans aucun jugement. Entre coups d'état et génocide, les massacres, les condamnés, les homicides. À qui faire payer tous ces crimes? Comment éradiquer les injustices? Il paraît que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que fait hier pour ne plus que les mêmes subissent? À qui ce monde profite? À qui doit-on réclamer ce que l'on mérite? Dites-moi, à qui ce monde profite? Pour qui on nous sacrifie dans la souffrance et la douleur? À qui ce monde profite? À qui doit-on réclamer ce que l'on mérite? Dites-moi, à qui ce monde profite? Pour qui on nous sacrifie dans la souffrance et la douleur? À qui ce monde profite? À qui doit-on réclamer ce que l'on mérite? Dites-moi, à qui ce monde profite? Pour qui on nous sacrifie dans la souffrance et la douleur? À qui ce monde profite? À qui doit-on réclamer ce que l'on mérite? Dites-moi, à qui ce monde profite? Pour qui on nous sacrifie dans la souffrance et la douleur?